Exercice 13, page 129. J'ai raconté ses débuts à la rédaction d'un journal local. C'est à ce moment-là que j'ai mis un chapeau en feutre et pris une pipe que j'avais tous deux empruntée à l'appartement sombre de mes grands-parents.